chez elle, et lui demandait de jouer la petite phrase de la sonate de Vinteuil, bien qu'Odette jouât fort mal. Mais la vision la plus belle qui nous reste d'une œuvre est souvent celle qui s'éleva, au-dessus de son faux, tiré par du doigt malhabile, d'un piano désaccordé. La petite phrase continue à s'associer pour Swann à l'amour qu'il avait pour Odette. Il sentait bien que cet amour, c'était quelque chose qui ne correspondait à rien d'extérieur, de constatable par d'autres que lui. Il se rendait compte que les qualités d'Odette ne justifiaient pas qu'il attachât tant de prix au moment passé auprès d'elle. Et souvent, quand c'était l'intelligence positive qui régnait seule en Swann, il voulait cesser de sacrifier tant d'intérêts intellectuels et sociaux à ce plaisir imaginaire. Mais la petite phrase, dès qu'il l'entendait, savait rendre libre en lui l'espace qui pour elle était nécessaire. Les proportions de l'âme de Swann s'en trouvaient changées. Cette soif d'un charme inconnu, la petite phrase l'éveillait en lui, mais ne lui apportait rien de précis pour l'assouvir. De sorte que ces parties de l'âme de Swann où la petite phrase avait effacé le souci des intérêts matériels, elle les avait laissées vacantes et en blanc, et il était libre d'y inscrire le nom d'Odette. Puis, à ce que l'affection d'Odette pouvait avoir d'un peu court et décevant, la petite phrase venait ajouter, amalgamer, son essence mystérieuse.